Histoire de Rionnen. Rionnen, dont le nom signifie « claire compréhension », était une jeune fille parée de toutes les grâces. Le teint blanc nacré, les cheveux épais relevés en lourds chignons sur la nuque fragile, les yeux profonds comme un lac. Elle était élégante et fine, et son maintien parfait. Issue d'une noble famille de guerriers samouraïs, Rionnen possédait un grand talent de musicienne. Elle était également douée pour la peinture et la poésie. L'impératrice la remarqua entre toutes les dames du palais et l'appela dans son cercle intime. Rionnen était alors âgée de 17 années, et cette histoire se passait vers les années 1700, pendant la période d'Edo, sous le shogunat de Tokugawa Yoshimune, dont le sage gouvernement assura au Japon un long cycle de prospérité et de paix. Rionnen ne se contentait pas d'être merveilleusement belle. Elle alliait aux qualités de l'esprit celles du cœur. Et tous, de la plus noble dame à la moindre servante, l'aimaient. Aussi la surprise et la consternation furent unanimes quand elle annonça qu'elle désirait se retirer dans un monastère pour étudier le zen. Sa famille alertée opposa un refus formel. Rionnen plaida sa cause. Un compromis fut négocié. Elle devait d'abord se marier, avoir 3 enfants, dont un fils, pour assurer la continuité de la lignée. Ensuite, si elle le souhaitait toujours, elle serait libre de se raser la tête et d'aller mendier sa nourriture sur les routes, un bol de riz à la main, ou d'aller cacher sa beauté dans un temple zen. Rionnen respectait sa famille et ses ancêtres. Elle s'inclina. Et la vie reprit son cours paisible. Sa famille, rassurée, songeait qu'elle avait complètement oublié sa lubie. D'ailleurs, à l'âge de 19 ans, Rionnen épousa au milieu de fastes extraordinaires un grand seigneur. Elle lui donna 2 filles qui promettaient d'être aussi gracieuses que leur mère et un garçon, solide et calme, le petit Oshiba. Or, un matin, Rionnen déclara à sa famille stupéfaite qu'elle devait les quitter pour suivre son destin. Elle souhaitait se retirer dans un temple zen et servir en qualité de nonne. Ni ses parents, ni son époux, ni ses enfants ne purent la dissuader. Elle s'en alla. À 26 ans, Rionnen était toujours dans l'éclat de sa beauté. La maternité l'avait encore embellie. Quand elle se présenta au temple d'Edo et demanda au maître zen Tetsugyu de l'accepter comme disciple, ce dernier, après l'avoir regardé longuement, lui dit « Rionnen, tu es trop belle. Tes cheveux trop épais et brillants. Tes yeux sont des lacs sombres emplis de sortilèges. Tu serais dans notre communauté une occasion de désordre et de trouble. Je ne puis te recevoir. » Alors, Rionnen se rasa la tête, se débarrassa de tous ses bijoux et même d'un bracelet qu'elle avait à la cheville et qu'elle portait depuis l'enfance. Elle revêtit une robe de pauvresse et se présenta devant le maître zen Hakuo dans un temple inconnu éloigné de la capitale. Le maître la regarda longuement et lui dit « Rionnen, je vois bien ta tête rasée et tes habits misérables. Je devine à tes paroles la sagesse de ton cœur, et je pressens tes vertus, mais tu es trop belle. Le nacre de tes joues ferait perdre la tête à mes plus jeunes disciples, et même les plus âgés seraient troublés dans leur méditation. Je ne puis te recevoir. » Alors, Rionnen partit sur les routes, méditant dans son cœur. Un matin, comme elle passait près de l'étal d'un marchand de beignets, Elle saisit soudain la poêle brûlante, l'appliqua sur sa joue droite et la maintint assez longtemps pour s'infliger une monstrueuse blessure. En quelques instants, son exceptionnelle beauté s'évanouit pour toujours. Le zen nous enseigne que nous sommes de ce monde-ci, mais qu'il ne faut pas s'y laisser enfermer, et que tout obstacle doit être levé. Car nous habitons une maison ouverte, dont un souffle, à peine perceptible, fait battre les portes, de proche en proche, à l'infini, jusqu'aux montagnes lointaines.